Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Salut Michel. Bonjour Denis. Michel, c'est la première tranche de la Coupe des champions, un tournoi qui revient année après année. Et comment ça s'est passé? C'est ça. Donc, le dimanche dernier, c'était la première qualification. OK. 25 joueurs étaient présents. Oui. En classe A, Jeff Richer avec 80. OK. En classe BB, Stéphane Saint-Flay, 83. OK. Et dans la classe senior, Bernard Levertu, 86. OK. C'est sûr que les pointages sont quand même assez élevés. C'est en grande partie par la qualité de nos verres. OK. Il commence avec les belles journées de chaleur qu'on a eues en fin de semaine dernière, là. Déjà cette semaine, on a vu une belle amélioration. Fait que d'ici 15 jours, pour la prochaine coupe qui aura lieu le 22, les verres devraient en avoir repris beaucoup. Okay. Les membres vont avoir joué beaucoup plus parce que, comme chez vous, disons que la température est bien ordinaire. Ouais, ouais. Fait que là, le niveau de compétition devrait s'améliorer. OK. Donc, ensuite de ça, on va voir ça bientôt. Dans un deuxième temps, on va parler maintenant du côté du tournoi d'ouverture. Oui, on a eu le tournoi d'ouverture aussi, le 8. Donc, on a eu une soixantaine de participants en formule amicale 4 balles. Okay. Ça s'est terminé avec un excellent souper, une soirée musicale. Comment vous avez les membres ont bien apprécié. Une soixantaine de joueurs. OK, une soixantaine de joueurs, bon, OK, c'est bon ça. Fait que donc, non, c'est bien. Parce que comme je te dis, les membres ont pas joué beaucoup à date. Okay. Donc, l'engouement, là, commence. On a vu en fait la semaine dernière, comme je te disais, avec le beau temps, ouais. Une bonne affluence. Donc, ça devrait se replacer dans les prochaines semaines. OK. Parle-moi maintenant du côté de fin de semaine, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine au club de golf de Saint-Prime? Pas de Saint-Prime, mais de Chibougamau. Dans le fond, fin de semaine, chez nous, à Chibougamau. Ouais. Samedi, on a le Calcutta, début de saison pour les membres. On attend encore une soixantaine de joueurs, sauf que dans le moment, les prévisions météo sont plutôt mauvaises. Ouais, ça va donc se décider, là, à dernière minute. Ouais. Puis, dans le moment, là, on annonce 12-13 degrés, puis 15 à 20 millimètres de pluie. Okay. Ce qui entraînerait probablement la cancellation de l'activité. Sinon, c'est l'activité de fin de semaine. Puis, on garde beaucoup de disponibilité pour tous ceux qui veulent vraiment débuter leur saison et venir profiter de notre terrain. OK. Donc, Pierre-Alexandre, il se passe quoi avec Pierre-Alexandre? D'après moi, j'ai pas plus de nouvelles que toi. OK. J'ai pas vu Daniel, ça fait quelques semaines, mais il doit être certainement en préparation pour les tournois qui vont avoir lieu au Québec dans le cadre des professionnels du Québec. OK. Et des tournois invitation. Puis il doit aussi probablement vérifier le Mackenzie Tour pour aller faire les préqualifications du lundi. OK. Donc, Michel, on s'en reparle bientôt. On s'en reparle très bientôt, Danny. Bonne semaine. Notre ami Michel Lallemand.